manifestation qui voulait la mort à Monsieur Rushdie pour les versets sataniques, c'est ça? Alors on les a embarqués parce qu'ils voulaient la mort, tout ça. Alors. Bon bah alors je les remplace. Tu vas bien ma poupée? Ouais, ça va. Non, je suis tout ça. Bonjour, c'est David et ma petite copine Zaza avec moi et Pascal aussi. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien chaud pour ces deux heures de bonheur et de jouissance, que vous allez bien vous éclater. Je sais, vous attendez toutes les semaines ces deux heures de bonheur, ces deux heures de jouissance qui vous prennent à l'intérieur. Oh, ça vous prend comme ça sur les côtés. Une grosse conne comme moi. Oh, c'est dur à caser une grosse conne comme ça. Mais non, elle m'écoute pas. Oh, de manger la peau du poulet, je lui prends du blanc, t'es pas raisonnable. Oh, mets deux petites cuillères d'huile de colza. C'est pour plus léger. À quelle heure tu chantes? À 10h. Oh. Il est 5h, bah tu peux manger. Mais pas de choux écrasés. Oh, je l'ai. Ma petite lagarde. Ça fait péter toute la nuit. Toute la tuyauterie a explosé. C'est épouvantable. Ma petite Yann, tu peux baisser un tout petit peu parce que j'ai les tympans qui vont éclater. Comme la Mourouzi quand elle écoute. Écoutez, White Night. Hein. Alors, nous recevons énormément de courriers. Alors, nous avons fait... Il y a des sacs de courriers, mais il n'y a pas 10 sacs une dedans. Une sélection. Hein. Je ne peux pas tous les lire, malheureusement. Quand vous nous écrivez des courriers, faites des lettres simples. Pas 30 000 lignes, pas 3 pages. Vous faites simple, vous expliquez brièvement. Alors, nous avons reçu une lettre de Patrice. J'aimerais assister, si possible, à l'émission et tout. Bon, alors, le problème des émissions, c'est qu'il ne faut pas venir comme ça si vous prévenez pas, parce qu'il y a des fois on se retrouve à 50 ou 60 et puis à la radio ils gueulent et nous on se fait engueuler après parce que ça fout du bordel. Alors ne venez pas si vous n'avez pas eu une invitation ou l'autorisation. Voilà, alors on a des insultes, vous êtes des suceurs, ben ça on le sait. Oh ben ça. Alors, ma petite Zaza, vous avez une lettre de menace. De menace? Alors, je vais vous lire. C'est qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est divin. Alors, tu n'as pas écrit un livre qui s'appelle... hein? Non. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu te souviens de celui-là? Salut. Ben, oui, hein. Salut David et Zaza, je ne vous admire pas, je vous déteste. Ben ça c'est pas seul, hein. Il y en a beaucoup. Vous m'avez eu comme auditeur un soir et vous m'avez ridiculisé. Oh. Ah, c'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai pas aimé. En plus, je connais bien Zaza et sa vie privée. Ah, ben dis donc, ça doit être long. C'est en 13 volumes, vous pouvez la voir à toutes dans les FNAC. Pléiade. Pas dans la Pléiade, hein. Dans la collection bouquin. Là, dans toutes les FNAC, tout le monde peut la voir. Vous allez regretter, croyez-moi, de s'être moqué de moi pendant mon passage à l'antenne. Mais qui sur l'antenne. Ah, vous êtes passé sur l'antenne, d'accord. Okay. Je ne voudrais pas vous faire peur, notamment toi, Zaza, mais attention, danger. Oui, parce que moi, il ne peut plus me faire peur. Hein. C'est moi qui fais peur, bah oui, j'ai fait chanter pendant 20 ans et puis je commence à chanter maintenant. Mais alors avec l'expérience d'avoir fait chanter, on connaît Marc, bien toute le passé que tu as pour être faire chanter, voilà. C'est vrai, oui. Je vous conseille de lire ce qu'il y a marqué derrière en rouge à l'antenne. Si Zaza tient à sa vie ou à son entourage, eh ben ma petite Zaza, tu vas te faire canner. Croyez-moi, ne prenez pas cette lettre pour une blague. J'écouterai l'émission mardi 28 février. Tâchez de lire le passage écrit en rouge à l'antenne. Alors, je connais bien l'adresse de son domicile. Mais pauvre Andy, Zaza n'a pas de domicile, elle est SDF. Ouais, c'est une gitane, elle est en caravane. Avec la Céline. Elle est en caravane et elle change. Alors un jour elle est au bois, un jour elle est à Conflans-Sainte-Honorine, au bord de la Seine. Alors bon, si vous arrivez à suivre la caravane, il n'y a pas de problème. Et oui, j'ai mené une petite enquête et j'ai trouvé. Ah ben t'as dû trouver des capotes pleines autour de la caravane. Des capotes. Alors lisez l'écrit en rouge. Alors bon. On voudrait s'excuser de s'être moqué du professeur Scato mardi dernier. Mais il est pas méchant, professeur Scato. Non. Car c'est une personne respectable. Voilà, si vous nous écoutez, professeur Scato, excusez-nous. Et sans vous moquer. Ah, il fallait pas se moquer. Et c'est dommage, j'ai raté. Ah, alors merci autant. Ah bon, c'est excuse, professeur Scato. Hein, c'est quand même, non, on l'a vexé et puis peut-être il est au bord c'est du... C'est toi non. Moi, j'ai rien fait, moi. Je me c'est David, encore un coup. Nous, on ne peut pas mourir, responsabilités. C'est toi. Bon. C'est lui. Alors, j'ai aussi deux paroles de chansons. qu'ont été changés. Alors nous avons d'abord pour Mylène Farmer, je vous laisse tout de suite le numéro de téléphone de la station, 43 57 69 70. 43 57 69 70. Alors c'est pourvu que ce soit doux. Alors voilà. Ton regard sadique a rien de pudique, que ta maman t'a trop baisé. Ton coup de revers pas assez pervers, mon cul n'est pas défoncé. Fous ton gros mastard avec du cirage dans toute sa chatte mouillée. Le mec plus ultra en ce paysage pour lécher des deux côtés. Ta grosse... Attends, rapprochez pas l'air. Alors c'est... Tu t'entêtes à la foutre partout, mais pourvu que ce soit doux. D'une grosse bête, tu n'as que la queue en tête. Et après, j'y arrive plus. Voilà. Moi, je pense que David s'est chanté quand même pas complet. Ben, alors, mais c'est pas signé. Et alors, nous avons maintenant Elsa. C'est jour de neige, et alors ça a été changé en jour de sperme. Alors, c'est... Attends, baissez la musique, alors musique, attends. Change, alors, bah, si après j'arriverai pas à celle-là. Trop mou, comme un pauvre petit... Attends. Trop mou, comme un beau petit trou. Trop mou, comme un beau petit trou. Et après, se faire défoncer comme en l'air, se faire défoncer là-dedans. Non. Alors, je vais chanter. Jour de sperme, je prends, sans que ça sorte. Jour de sperme, je prends, j'avale, je rentre. Jour de sperme, je dégueule tout sur mes petits seins et dans mon vagin. Sur Glenn Medeiros, ça fait ça. Voilà. C'est de la part. Très content, d'ailleurs. Voilà. Ils sont passés aux États-Unis, c'est pour ça. Ils sont très contents. Alors, ça. C'est de la part des fans de la Guinness. De la Guinness et de l'île de Fiel. La Guinness, c'est quoi? C'est une boisson. Ah, la Guinness, ah, d'accord. Olivier, Stéphane, Franck, Bouboule, Jérôme, Richard. Bravo pour eux! Il y a d'autres chansons là. Vas-y. Il y a Jacques Dutronc sur J'aime les filles. Ah ouais, mais là, ça va être un répertoire complètement. Qui l'a envoyé pour quand même ils se reconnaissent? C'est une fidèle auditrice, donc on ne sait pas. Ah. Et c'est J'aime les bites, les grosses, les petites. J'aime les bites entre mes cuisses. J'aime les bites sous un caleçon. Ça, j'achète, je crois. J'aime les bites qui décalotent. Alors il y a Clarisse. Il y a Clarisse qui a envoyé un petit mot, je lui répondrai qu'elle s'inquiète pas. Hein. Ah, et puis il y a Montpello, pas d'Éric Morena. Montpello. Alors j'ai quelqu'un d'autre qui m'appelle Bande de Suceurs, je m'appelle Bitmol et j'adore le cul de Pascal et je voudrais bientôt sodomiser, ça on le sait. Et bah. Et moi, avec un entonnoir, Céline Noël. Moi je l'encule. Bah, comment faire un chausse-pied. Un chausse-pied. Je ne fournis pas le chausse-pied d'ailleurs. Alors bravo pour votre émission, Michel. Une belle à couille. Alors nous avons une lettre de Florence souhaitant assouvir ma curiosité au sujet du t-shirt. Je vous envoie donc un chèque de 50 francs et vous en remercie en avance. J'ai connu votre radio par un pur hasard. Eh ben heureusement que c'était par pur hasard. Et je vous écoute depuis le milieu février 89. Vous souhaite bonne continuation. Eh bien on t'embrasse ma petite Florence, on te suit dans la chatte et j'espère que ça ressortira par le trou du cul. Je voudrais que vous passiez ici le message. Christophe, si tu veux que je te rappelle, écris ou appelle l'une de Fiel, c'est Sophie. Voilà. Ah, déjà une lettre de Pascal de Gentilly qui nous écrit qu'il est amoureux de nous. Ah bah il se branle en nous écoutant. Très et bien. Il nous envoie une photo du docteur Ruth. Moi je fais ça. Ah, t'achètes le docteur Ruth. Qui continue. Oh bah oui, ça, c'est une saine activité. Ah bah oui. C'est bien. Mais on a, est-ce que le docteur Ruth est là aujourd'hui? Le docteur Ruth va arriver là. À quelle heure? Elle est en barreau, elle est au bar en elle est au bistrot dans le voilà. J'ai reçu aussi une lettre de fin. C'est marqué fin. Voilà. Alors, nous avons reçu aussi une lettre. C'est pas signé. David, 19 ans, qui nous écrit Bobini, David, Zaza, salut bande de salopes, votre émission est hyper cool, tout le monde peut s'enculer. Et Pascal a une voix super bandante. Celle-là, je lui lichaverai bien la minge. Ah, oh, bravo. Ayant commandé un t-shirt, j'espère qu'il me plaira, car sinon, David, je te la mettrai dans le fion. Bah, je préfère que tu me mettes autre chose. Je trouve que le docteur Ruth n'apparaît pas assez souvent. Ah bah, mais le docteur... Donc, le docteur Ruth n'apparaît pas. Je suis là toutes les semaines. Mais vous étiez au café encore, au bistrot. Je viens d'arriver, j'ai écouté l'émission en direct de le café en duplex. Oui. Le duplex, il a écouté l'émission. Beaucoup de saloperies vous disent quand je suis pas là. Ah, mais on... Bon, attendez, docteur, on va faire le courrier d'abord, hein. C'est-à-dire qu'elle a mal quand elle fait l'amour. Ça lui fait très mal. Ben ça, c'est parce que t'as pas assez honte. Non, elle a un mal quand elle fait l'amour. Non, elle a le mal. Le mal, il est sur elle, c'est normal. Oui, mais ensuite... Et le mal, il est dans le trou si ça lui fait mal. Ça, oui, enfin, il essaye d'y aller, mais il n'y arrive pas forcément. Alors ça, c'est un gros problème. Ah, mais un peu d'huile de colza, ça passera mieux. Elle est serrée. Je m'appelle Didier, je vous écris pour vous donner les résultats d'un sondage. Une anecdote sur vos maillots. La biographie de Pascal, car vous l'aviez oublié mardi. C'est vrai, on a pas mais compris. Je vous écris surtout pour vous dire que votre radio est vraiment cool. Bon voilà, deux sondages. Le premier réalisé avec Tonton à mon bahut et l'autre avec un copain à la main jaune où il lui est arrivé un truc à cause de vos maillots. Mais ça, c'est pour plus tard. Ouais, c'était fermé, sondage là, à mon boulot, sur 50 élèves, 20 écoutent votre radio, soit 40%. 30 n'écoutent pas votre radio, soit 60%. Ah, c'est bien. Bon pourcentage, hein. Conclusion, vous battez le mardi soir énergie. Eh ben dis donc, ben ça dis donc, quand ça s'encule, il n'y a pas de miracle. Ah, mais il n'y a plus de chansons qui tiennent, hein. Sondage, si vous voulez, on vous chante des chansons. Si vous préférez des chansons, vous nous appelez. Ah ben, on signale met... ce... Et puis moi, ça m'arrangera aujourd'hui, parce que je suis... Oui, moi, j'ai d'ailleurs passé ma cassette, qui est divine. Sondage... On dit que tu ne me laisses jamais finir mes chansons, qui sont beaucoup plus intelligentes que les tiennes, parce que tu es jaloux. Ah, attendez, alors, je termine réponse. Le sondage. Oui. Alors, sondage à la main jaune, c'est une discothèque à Porte de Champéret où on fait du patin, c'est ça, hein. Mais c'est fermé, maintenant. Sur 80 personnes. Oui, il y avait trop de drogue. Dans Paris Nuit. Il y avait trop de drogue. Ils ont 15 ans, chérie. Et l'une de pièces, ça va pas tarder à fermer aussi, hein. Ça. 65 écoutent votre... Alors, sur 80 personnes, 60... parce qu'il n'y a pas plus de personnes dans la boîte. Alors, sur 65 personnes... non, sur 80 personnes, 65 ouais. écoutent votre radio. Ouais. 20 mecs sur 40 ont essayé de se sucer, 27 se branlent en vous écoutant, 60 personnes trouvent la chanson de David sublime. Voilà, pour des les... Des mazos. Voilà, pour les sondages, ensuite je vais vous raconter un truc vrai. À la main jaune, pour réaliser ce sondage, j'ai été aidé par un copain qui s'appelle Sébastien, à qui sa copine lui avait offert un de vos maillots. Qu'il avait mis ce soir-là. Grâce à cela, il s'est fait inviter à une petite partouze par 7 ou 8 jeunes qui connaissaient apparemment votre radio et le genre d'auditeurs qui écoutent. En attendant, avec impatience, je vous encule, bien fait pour vous. Et voilà. Et c'est Frédéric. Alors après, bon, il y a trop de courriers. Alors qu'est-ce que j'ai là qui m'a écrit ? Fabrice. Il est très jeune en plus, Fabrique. Citoyen, citoyenne. Ah oui, vous aviez une petite lettre, ma petite Zaza. Ah, là, non. Non, vous là. Vouliez me dire un petit courrier. Où vous étiez là, où vous étiez en évidence. Eh oui, on me dit que c'est de la persécution. Pourquoi ? Parce que vous ne me laissez pas chanter mes interprétations admirables. Parce que vous êtes jaloux, que c'est mauvais ce que vous chantez, vous. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre ? Défendez-vous quand même. C'est star à la barre. Je vous ai produit un 33 tours que vous avez fait à Londres. Oh, il y en a même qu'à Euro, il y en a... Vous avez fait la crise, au lieu de chanter et de parler dans le micro, vous avez sucé toutes les bites. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Bon, alors j'en ai eu pour 40 000 de studio... Pour 4 bits que vous auriez sucé à 50 francs pièces. À 50 francs pièces à Barbès. Alors votre 33 tours m'a coûté 40 000. Vous n'avez rien fait du tout. Alors après, c'est vous... un peu vrai, c'est un peu. C'est pas le public, c'est pas jaloux, non, non. Le alors public, je vais vous écouter, Zaza. Écoutez, je suis désolé. Qui a raison? Ce sont 100 c'est millions. Télérama. Non, ce sont 100 millions de fidèles ou 3 critiques? Non, Zaza. Les fidèles ne le nous écrivent pas pour nous dire que c'est formidable. À Bogota, 40 000 personnes, vous n'avez pas ça, vous avez fait un deuxième jour, c'est un deuxième jour. Alors, vous pouvez réserver vos places à Saint-Antoine, à Sainte-Anne, à Marmottan. Vous faites 36-15 cinglés, puis vous pourrez avoir les places. 36-15 Camille Claudel. Voilà. Afin de célébrer faudrait mettre un peu de culturel quand même de temps en temps dans l'émission pour relever un peu le niveau. Il y a un truc rigolo là. Vas-y. Une étude de fabrication. Ah. Alors, c'est un papier comme pour les études de fabrication. Alors, travail à exécuter, l'ichave, un pélos. Alors. Un pinos? Non, brut, donc c'est. Alors, phase numéro 1, qui s'appelle exciter. Opération, caresser le mâle et le faire bien bander. Outil, bouche, main. Contrôle, bon. 2. La fellation. Alors, opération, mettre la pelle en bouche pour rouler une galoche au gland. Outil, bouche, langue, bite. Puis, descendre la langue le long du pélos. Outil, langue, bite. Bien lécher les couilles, les aspirer, lécher sous les couilles. Outil, couille, bouche. Remonter le long de la bite la langue. Outil, langue, bite. 3. Éjaculation. Phase 3. La phase terminale. Lorsque l'homme commence à bouger et à raidir les jambes, accélérez le mouvement. Outil, homme, bouche, queue. Dès que l'homme éjacule, soit gardez la bite en bec, qui nécessite à ce moment-là un homme, une bite et un bec, ou se passer la bite sur le visage, qui nécessite une bite, un visage et du sperme. Si vous avez bien l'échave le pélos, l'homme vous mettra son pélos dans la mine et vous déchirera. Et c'est signé Dr. Ruth. Eh ben, temps, une heure. Ah, il y a temps de passer, une heure. Temps de cuisson, une heure. Je pense. Alors, nous avons une autre lettre. Alors, questionnaire. Johan est-il homo? Alors, Johan, c'est... Oui, alors ça, nous ne pouvons pas répondre. Il est en tout cas sexuel. Zaza est-elle travestie, transsexuelle, transsexuelle, écorchée du petit pois? Écorché du petit pois. Faut acheter mon livre. Voilà, il faut acheter le livre, 89 francs. Est-ce qu'il vous plairait à vous trois de tester ma cuvée feu 88 de Poppers Maison? Et on en a déjà beaucoup. Je vous réponds au questionnaire. Voilà, oui, c'est sublime, mon chéri. Tu es formidable. Nous recevons un courrier. Alors, le téléphone a rappelé peut-être David. 43 57 69 70. 43 57 69 70. C'est le numéro de téléphone à composer si vous désirez participer à ces missions, intervenir, si vous voulez parler de vos fantasmes, de votre sexualité ou tout simplement de vos problèmes. Car rassurez-vous, ceux qui ont des problèmes, vous n'êtes pas tout seul. Il y en a d'autres et il y a aussi beaucoup de solutions que nous pourrons trouver ensemble. Un seul numéro à composer. Franchissez le pas et essayez de vaincre votre timidité en composant le 43 57 69 70. Et là, nous pourrons intervenir et essayons de résoudre votre problème en vous expliquant, grâce à notre expérience de sexologue, d'enculé, de Zaza et de grosse pouf. Parle pour toi. Non, je récuse totalement. Mais moi, c'est uniquement théorique pour moi. Oh, j'ai lu des livres. Bon. J'ai lu des livres, mais... Moi, j'ai eu beaucoup de patients et Zaza a eu beaucoup de pratiques. Oui, je vous... Voilà. Bon. Il y a les trois. C'est... Eh bien, nous pouvons... C'est-à-dire que j'étais menacé aussi. Oui, déjà. Oui, oui. Vous aviez un couteau sous la gorge. À chaque fois. Et on a mis, pareil, quelque chose dans votre verre. Oui, oui. On m'avait fait boire. Alors, Zaza, l'autre... Zaza, la semaine dernière, je l'appelle, je lui dis, bon, bah, t'as été boire encore un coup. Elle me fait, non, j'ai fait une demi-soulerie. Oui, elle fait parce que j'avais 3000 sur moi. Et je lui dis, si j'avais complètement été sous, j'aurais pu les donner à quelqu'un. Ah bah oui, bien sûr. Alors, elle a fait une demi-soulerie, mais elle a même pas donné 1500. Pas une soulerie, alors. Alors, demi-soulerie, elle a donné un petit 50, un petit 100. Oui. Bah, c'est un dixième de soulerie. Elle a donné un de la croix. C'est un dixième. Oui, ouais. C'est normal. C'est raisonnable. C'est bien. Voilà, alors, pas par moi, c'est bon. Qui peut participer à cette émission? Eh bien, voilà une bonne question. Une question à laquelle nous allons répondre immédiatement. Eh bien, tout le monde. Toutes les personnes qui ont une jouissance. Quelle jouissance? Eh bien, messieurs, lorsque vous vous attaquez l'arête, lorsque vous faites un bourrassi et vous tirez sur le lacet, eh bien, vous pouvez voir au bout d'un moment, après avoir fait avance-recul, ça rentre, ça sort, ça fait ressort, eh bien, voir quelques giclées peut-être apparaître. Alors, soit la giclée, quelques gouttes restent au bout, ou soit ça gicle à 2 ou 3 mètres. Un liquide blanc, marron s'il a plus de 15 jours. Marron s'il a plus de 15 jours ou rien du tout après un orgasme sublime si vous avez été opéré de la prostate. Eh bien, ceci est la jouissance. Et à partir du moment où vous avez franchi cette étape, vous pouvez écouter cette émission et intervenir. Pour les demoiselles, si vous avez le chat ouvert, le panier grand ouvert, plein air, et que vous avez reçu à l'intérieur une pénétration abondante d'hommes virils, de bile grosse, épaisse, longue ou fine ou petite et bien grasse, eh bien vous pouvez aussi intervenir à cette émission. Bien entendu, après un bon limage, il faut absolument mouiller. Un liquide vaginal aussi clair que de l'eau de roche, aussi délicieux qu'un yaourt de chez Danone, et non pas acide. Si vous avez un liquide acide qui sort de votre vagin, problème. Vous mangez trop de sel ou trop de... Vous faites de l'albumine, et là, ça commence à être très grave. Et là, intervenir. Allez voir le docteur. Docteur, j'ai de l'albumine, analyse d'urine, tout ça. Le docteur est sous et vous dit qu'il faut aller vous faire enculer après avoir payé la somme de 125 francs qui vous sera remboursée par la Sécurité sociale. Le numéro de téléphone, 43 57 69 70, 43 57 69 70. Magnéto est fatigué là. Un petit peu. Bonjour, je suis le docteur Ruth. David est un peu fatigué, il a pris le... On l'a mis quelque chose en son verre. Une glace, on a mis de drogue, une glace. Et David n'est pas bien fatigué. Toxicomane. Ah, toxicomane. Stupéfiant. Oui, pédophile toxicomane. Toxicomane. Alcoolique. Non. Oui. Ah non, ça je... Non. Son père était plombier zingueur, on lui... David lui a volé le fer à souder paternel à 6 ans. Et à la distribution des prix, il paraît que je ne me rappelle plus. Ah ben oui, la mémoire flanche. Hein, après. Mais ça, c'est de la réincarnation, non? Je me suis transformé en fer à souder. Ah ben oui, ça a continué. Non, c'est épouvantable. Et il y a plein d'appels et les gens qui gueulent au téléphone. Mais vous pouvez pas nous prendre vite, on n'en peut plus. Alors, je crois qu'un auditeur en ligne, ce serait pas mal quand même. Allez, une ligne tout court, ce serait bien aussi d'ailleurs. Mais qu'on peut avoir comme jactance? Ah bah surtout toi, nous on n'a pas dit un mot, Pascal et moi. Nous, on est... Voilà, un auditeur en ligne. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Quel âge as-tu, mon petit chat? 41 ans. 41 ans. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant pour moi. J'ai une copine, mais pour moi ça va pas. Elle, ça va, mais moi, c'est pas formidable. Qu'est-ce qui se passe? Oh, moi j'arrive pas à jouir, et puis elle, il joue tous les jours, parce qu'on fait toujours l'amour dans le noir. Oui. Elle, il n'aime pas sucer, il n'aime pas que je la suce et tout, alors moi... Elle te fait pas ce que tu as envie pour parvenir à l'orgasme. Voilà. Quel est son prénom, à ta camarade? Pour qu'un Youssef arrive pas à jouir, c'est vraiment qu'il y a un problème. Hein. Quel est son prénom? Jacqueline. Hein? Jacqueline. Oui. Elle n'a aucun problème physique? Non. Elle te dégoûte pas? Non. Non. Et tu bandes sans problème? Je bande et tout, mais moi je jouis pas. Ah, tu éjacules pas. C'est-à-dire que le liquide ne sort pas? Ne sort pas. Et tu te branles et ça marche quand tu te branles? Non, même pas. Ah, même pas quand tu te branles? Même pas. Et est-ce que tu as un orgasme sans éjaculer? Parce que ça peut être dérivé à l'intérieur et ça peut se mélanger au sang. Non, parce que une fois j'ai essayé une fois avec une, comme ça, à part celle-là. Oui. Avec une prostituée? Je ne sais pas. Tu sais tout de suite si c'est une prostituée si tu lui donnes de l'argent. Alors. Non, j'ai pas donné. Ah, t'as pas donné. Elle t'a donné, elle t'a rien donné, elle non plus? J'ai pas donné. Ah bon, ça va, donc c'est pas une prostituée. Non, je te crois pas. Et ça a marché avec elle? Ah oui, on a été à l'hôtel, on a mangé ensemble et tout, J'ai fait ce que je veux, j'ai sucé tout comme il faut. Et tu aimes sucer? Bah oui. C'est délicieux. Hein. Ah oui. Et si une femme te suce pas ou si tu la suces pas, tu penses qu'il manque quelque chose? Voilà. Voilà. C'est pas complet. C'est comme le sel pour moi. C'est comme une voiture sans moteur. Le sel dans un repas. Eh oui, ben ça. Ah oui. Alors c'est pour ça que je cherche une. Un couscous sans harissa. Ah ben ça, oui. Qui aime à sucer? Youssef Abdullah Fondoula Bessali Bros Métallique. Ah bon? Parce que j'ai roté là. Non, mais en fait... Et mieux vaut que ça sorte par la bouche que par le cul, parce que sinon tout le monde sort, hein. Oh, ben... Mais je lui ai dit, moi, je cherche une autre, hein. Si tu veux, on fait ça pour toi, de temps en temps, pour toi, te faire plaisir comme ça. Mais moi, j'ai trouvé une autre qui va... que je vais faire comme je veux, et ben... Bah oui, mais tu, hein. Mais tu lui as dit à ta Jacqueline que... Et elle veut pas te sucer. Non, et elle non. veut pas se laisser faire non plus. Il n'y a rien à faire, t'as non, essayé non, de lui dire... rien à faire. Rien à faire. Bah, rien à ce moment-là, t'as bien raison, il faut changer de copine. Il faut arrêter de la baiser. Bah, ouais, tu faut changer de copine. Il est forcé une fois et puis il a été aux toilettes, il a rondé tout. Ah bah oui, non, mais il faut pas forcer. Il n'a même pas mis la moitié dans la bouche. Non, mais il faut pas la forcer. Pas si elle veut pas, elle veut pas. Et oui, puis, d'accord, c'est tout, mais bah. Moi je lui ai dit sinon, si tu me fais pas ça, tu m'aimes pas. Alors elle, il s'est forcé. Bah mais non, mais effectivement. Il a rondi après. Ouais, bah si elle a pas envie, c'est pas la peine qu'elle se force. Bah. Et tu l'as envoyé la purée en gueule? Non. Elle a juste mis la tête du petit chat. Ah ouais, même pas deux minutes, une minute. Bah ouais, mais il y a des filles qui sont dégoûtées comme ça, c'est vrai, hein. Ah ouais, mais ça, il n'y a rien à faire. C'est vrai, hein. Non, et puis tu sais, l'adresser et puis essayer de lui apprendre, ce serait beaucoup trop long. Oh, oui. Ah non, il vaut mieux changer. Oui, il vaut mieux chercher une autre. Quel âge a-t-elle? Ah, elle a 31 ans. 31 ans. Ah ben. Elle est peut-être pas très jolie aussi, non? Oh, il est mieux que moi, hein, de toute façon. Ah, elle est mieux que moi, ça. Oui. Elle est mieux que moi. Oui. Elle fait pas... Là, je dis la vérité, hein. Non, mais t'as raison, ça c'est très bien. Est-ce que t'es pas très, très, très, très jolie? Oh, moyenne. Ouais. Mais tu dois être très gentil. Hein? Ouais. Tu dois être très gentil. Qui, moi? Oui. Oh oui. Hein, très très très gentil, très amoureux, très aimable. Très... Oh. Mais il a quand même envie de jouir avant tout. Ah bah, c'est normal. Le monde, hein. Ça. Ça, il a envie d'envoyer la purée. Ça fait maintenant 15 jours, 18 jours et puis j'ai pas fait l'amour. T'as noté, hein? Oh, oui. Tu mets des bâtons sur les murs. 18 jours parce que j'ai pas ce qu'il me faut, voilà. Donc, il est temps de s'inquiéter, tu as raison. Elle a joué au moins une cinquantaine de fois. Eh oui, ah, ça c'est l'inégalité. Ça, c'est pas marrant, hein? C'est une salope. Hein. Oh oui, crois, hein? Ouais, remarque, le nombre de fois où des mecs ont baisé avec des nanas, que les nanas n'ont pas joué, que les mecs ont joui, c'est intéressant de voir, oui, à mon avis, ça fait un juste équilibre. Parce moi, ça me fait plaisir qu'elle ait son plaisir, d'accord. Mais en fait, ça suffit pas. Mais voilà, moi, j'ai pas le mien, alors ça... Bien sûr. Moitié. Et t'arrives pas à jouir en la baisant? Oh non. C'est trop... Non, je bande et tout bien, mais il n'y a pas moyen. Et même en te branlant, et le terma, elle veut pas? La femme? Le terma, elle veut pas derrière? Il veut pas, non. Ah, elle veut pas non il plus. Veut pas, ouais, non, ben, si elle est coincée, elle est coincée. Ouais, elle veut rien du tout. Une coin quoi? Il arrête même la lumière, hein? Mais elle veut éteindre la lumière. La petite vieilleuse, petite. Ah ben elle est coin quoi. Mais ça c'est une fille coin quoi. Mais ça il y en a plein le monde des filles coin quoi. Hein. Ben, elle trouve tant une pas coin quoi. Non mais peut-être qu'elle a des problèmes au chat, peut-être qu'elle veut pas que tu le vois. Oh, ben oui. Non mais ben elle doit être complexée, c'est pour ça qu'elle veut rien faire. Mais peut-être elle a des cicatrices dans les environs. C'est ça. Bah, et toi, tu veux pas voir les cicatrices parce que tu te dis, si je les vois, ça va me dégoûter, donc allez, mieux vaut baiser dans le noir, comme mais ça. Mais jamais vu sous toutes les coutures. Elle, peut-être, elle pense à ça, mais moi, non, même si elle a une centaine de cicatrices, ça me gêne pas, moi. Du moment qu'il y a un trou, ça fait comme une poupée gonflable, hein. Même si c'est sa mère, c'est pas grave, hein. Bon, non, ma mère, quand même. Non, mais sa mère à elle. Non, si elle est pas trop vieille, peut-être. Bah, tiens. Et alors tu cherches une camarade. Une camarade qui suce comme il faut, comme je veux. Voilà. Et qui se fait sucer. Voilà. Et est-ce qu'il y a une bonne pièce? Est-ce que la pièce est belle? La chambre. Le pélo. Le zob. Le zob. Oui, il est pas mal. Un joli pélo. Bah oui. Circoncis. Un gros gland bien lustré. Deux, même pas. Hein, hein? Il y a deux. Il y a deux glands. Ah bah voilà. On connaissait les glands de tête, on connaîtra maintenant. Il est bisexuel. Parce qu'il y en a un qui est plus monté que l'autre. Ah, monté à l'intérieur. Attends, il confond le gland et les couilles. Il confond on a des étudiants de la faculté de médecine qui ne comprennent pas très bien. Là. Voilà, alors, non, le gland... Et souvent, il me coince quand je marche. Hein. Non mais attends, Youssef, le gland, c'est ce qu'il y a au bout de la bite. Le petit chapeau. C'est pas les couilles. La petite tête. C'est des couilles. Non, non. Le gland, c'est la petite tête qui est au bout, la tête chercheuse. Ah oui. Voilà. Et les couilles... Le lance-missile. Voilà. C'est les deux bouts qui sont accrochés. Il y en a une qui te rentre dans le ventre, tu me dis. Non, non, c'est pas dans le ventre, mais il entend. Ah, elle monte un peu plus haut. C'est normal. C'est normal. Moi, des fois, elles rentrent à l'intérieur toutes les deux quand elles ont peur. Ah bon? Oui. Ça se voit à ton soutien-gorge. Voilà. Non, mais c'est normal, c'est fréquent qu'on ait une plus grande que l'autre. J'ai jamais encore réussi à comprendre pourquoi des fois j'avais les couilles qui pendaient et pourquoi des fois la peau se resserrait et les deux couilles étaient vraiment enfermées comme dans une camisole. Ah oui, ça arrive à moi souvent. Hein. Ah non, mais non, parce qu'il y a des fois je viens de jouir. Si vous êtes dans l'eau froide ou si vous marchez 100 km à pied. Ah ouais, non, mais le froid mis à part. Non, mais par exemple, je viens de jouir, les couilles pendent. Et des fois, je viens de jouir, les couilles sont serrées. Non, c'est pas. C'est un mystère de la nature. Oui, ça dépend. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Ça dépend des personnes. Oui, là, on est en train de faire une expérience. Il y a une thèse, là, qui est en cours là-dessus. Alors, et Youssef, tu aimerais rencontrer une camarade. Oui. Une petite camarade pour bien lui lichave la minge. Oui. Pour bien lui manger son chat. Oui. C'est fameux. Un petit chat de chez Fouché. Ne dis pas ça. Hein? Ne dis pas ça, si sans ça, la vie ne sera pas arrivée jusqu'ici. Si. Elle va te sucer, oui. Et toi, tu vas lui manger le minou. Ben oui. Un bon glougloutage du sifolo, une bonne descente à la cave, c'est délicieux. Pas de problème, j'ai pas peur du sida, moi. Non, mais il n'y a pas de sida. J'ai des médicaments pour ça. Mettre une capote. J'ai des médicaments pour ça. Voilà. Ah, bon. Ah oui. Ben oui, y a je ne fais pas de capote et puis je ne serai pas malade. Ah bon? Jamais. Jamais la capote. Ah, il y a un secret. Oui, mais les autres, tu sens peut-être malade aussi. Oui. Ben oui. Non, moi, je te conseille quand même de la mettre. Hein. Ah, il faut la mettre. Ah, oui, hein. J'ai jamais aimé, et puis Dieu merci, j'ai rien eu. Oui, ben pour l'instant, mais on sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux en mettre. Ah bon? Oui. C'est pas grave, on va pas... Non, on va pas passer le des heures. Oui. Alors, Youssef, on va passer ton message. Oui. Hein, les demoiselles ont dû comprendre. Donc, Youssef, qui recherche quand même maintenant une femme qui puisse sucer, qui puisse se faire sucer, qui puisse faire autre chose quand même qu'une pénétration, qu'un coït vaginal. Qu'un missionnaire. Tout simple. Qu'un missionnaire classique. Et... qu'il n'arrive pas à jouir. Oui. Alors, pour contacter Youssef, c'est très simple. 43 57 69 70 43 57 69 70. Si vous désirez participer à l'émission, intervenir à l'antenne, parler de votre sexualité, de vos fantasmes ou de vos problèmes sexuels, que vous soyez une fille ou un garçon, que vous soyez homo ou hétéro, que vous soyez branché ou débranché, riche ou pauvre, grand ou petit, eh bien cette émission est la vôtre et vous pouvez y participer au 43 57 69 70. 43 57 69 70. Bien entendu, vos appels restent anonymes. Vous passez dans le secret le plus total. Personne n'a vos coordonnées et personne ne vous reconnaîtra. Donc, allez-y, personne ne vous voit. 43 57 69 70. Nous avons un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton prénom ? Allô ? Oui, quel est ton prénom ? François. François, et tu as quel âge ? Ouais, j'ai 18 ans. 18 ans. Ah, ouais. La chair fraîche. Alors, j'ai un problème, moi. Je suis avec un copain. Oui. Enfin, pas là, mais bon, j'étais avec un copain hier. Il s'appelle Wilfried. Oui. Et j'avais des problèmes pour l'enculer. Ah. Bah ouais, parce que... Tu encules ton copain. Hein ? Tu encules ton copain. Ouais. Ouais, c'est gentil. Donc, c'est-à-dire, t'habites, donc, derrière, là où il fait caca. Ouais. Ah, c'est comme ça que... Ah. Bah oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc tu n'arrives... Les Grecs, ils faisaient ça il y a 3000 ans. Oui, tu n'arrives pas à rentrer ou il y a un problème de refus chez ton camarade? Ouais, c'est que en fait... moi, je sais pas. Allez, arrête. Non, c'est que moi, j'ai un problème, c'est que bon... il avait mal. Oui. Il avait mal quand je commençais à le pénétrer. Et moi j'arrive pas à rentrer, quoi, parce qu'il a trop mal. Et il s'est déjà fait enculer avant que toi tu essayes? Bah ouais, je crois, ouais, je suis pas sûr, mais je crois. Ah, t'es pas sûr? Non. Ah, si t'es pas sûr. Bah, il te l'a dit ou pas? Bah ouais, il me l'a dit, mais enfin bon, ça, il raconte pas mal de trucs, quoi. Mais t'as une très très grosse bite, toi aussi. Hein? T'as peut-être une très très grosse queue? Non, non, normal, quoi. Et est-ce que tu avais bien préparé... chose? Bah non, pas trop, quoi, en fait. Ben ouais, tout c'est très important, la préparation du trou avant le coït anal. Bah ouais, mais... Très très important, il faut pas y aller comme un sauvage. Hein? Bah ouais, ouais, ouais. Quand tu rentres chez toi, t'essuies les pieds sur le paillasson, quand t'as les... Ouais, bien sûr. Hein? Oui, allez, un coup de boutoir et en avant. Et hop, hein. Alors... Mais non, mais bon, c'est... enfin, je sais pas, c'est pas... Alors, pour tout le monde, pour tous ceux qui enculent et qui ont des problèmes d'enculage... Est-ce que tu as déjà essayé de te faire enculer, François? Non. Non. T'as déjà essayé de mettre un doigt dans ton cul? Ouais. T'as déjà essayé de te sucer la bite? Bah ouais, ouais, mais bon, là c'est dur quand je suis souple, mais quand même c'est assez dur. Bon, alors, je vais t'expliquer comment on fait pour l'enculage. Ah. Pour tes copains ou pour tes copines? Ouais, bien sûr, Ou pour toi-même si un jour t'as envie? Ouais, ouais, ouais. Hein, parce que, on sait pas, hein. Ouais. Alors, toujours, vous vous mettez sur le ventre. Ouais. Allongé sur le lit, sur la moquette, par terre, n'importe où. Sur le ventre, tu écartes un petit peu les jambes de ton camarade et il faut toujours mettre un corps gras. Ah ouais? Voilà. Il faut travailler le trou. Un doigt bien graissé à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Mmh. Hein, il faut que le trou soit bien travaillé, un doigt, deux doigts. Tu essayes trois doigts et tout. Et puis après, quand c'est bien travaillé, il faut quand même 5 à 7 minutes pour ça. Ah ouais, d'accord. Et puis après, tu te graisses la teube. Ouais. Il faut graisser aussi l'outil, très important. Mm-hmm. Mais t'as pas fait toujours tout ça? Non, mais c'est les... C'est pour les débutants, là. J'explique... C'est pour les débutants. J'explique à la clientèle. Que je me remémore un petit film que j'ai, qui sera présenté à Sacré Soirée quand on te fera une surprise. Alors, donc, quand l'outil est graissé et le trou est graissé, tu commences à rentrer. Mais il faut toujours y aller doucement. Ah ouais, faut pas y aller carrément tout doucement. Tout doucement, tu rentres la petite tête du chat à l'intérieur, ouais. Et tu ressors. Parce qu'automatiquement, dès la première fois, si la personne n'a pas l'habitude, ça va lui faire mal. Ah ouais. Donc tu ressors, et tu re-rentres 30 secondes après. Faut travailler à petit bord. Voilà, quoi. Voilà. Il faut faire un travail, ça s'appelle un travail au petit bord. Ah ouais, ouais. Et puis après, tu rentres un peu plus, tu rentres 2-3 cm en plus. Et puis après, tu ressors, tu re-rentres, tu ressors, tu re-rentres. Et puis après, ton camarade commence à devenir un enculé. Ah ouais, d'accord. Et là, tu peux y aller, tu peux enfoncer totalement l'outil. Ah bah c'est cool. C'est un rodage, le trou du cul, il faut le roder. Et quand on l'a fait une fois, après c'est bon? Non. Non, c'est trop facile. Même au bout de 20 fois, il faut quand même faire un travail. À part vraiment les gros enculés professionnels qui se font ken à la chaîne. Là, juste avec un peu de crachat, c'est bon. Ouais. Mais quand c'est des enculés occasionnels, il faut quand même toujours faire cette opération. Et alors, le problème de l'enculé qui s'est jamais fait enculer, eh bien c'est dans sa tête, parce qu'il a peur, alors donc il est contracté. C'est comme quand on va vous faire une piqûre. Bah ouais. Vous êtes toujours très contracté. Alors plus vous contractez vos muscles, plus ça vous fait mal quand on vous pique. Ah ouais. Bah ouais. Voilà. Alors plus vous êtes cool et tout, eh ben moins ça vous fera mal. Ouais, d'accord. Hein, c'est vrai, okay. Hein. Voilà, le standardisme dit oui, c'est bon. Oui, il est très au courant. Voilà. Moi, je peux vous dire, je reçois un courrier énorme là-dessus. Colossal. Colossal. Et donc, voilà, je t'ai donné la recette. Ok, bah, je vous remercie. Alors, Wilfried, hein, faut bien que tu lui... Alors, je peux laisser passer un petit message, là? Bien sûr. Ouais, bah, alors, je voudrais dire bonjour à tout le lycée La Bruyère de Versailles. Oui. Et en particulier à Barbara, Wilfried, François, Jérôme, Lorraine, Benoît et Maude. Et toute la classe comme ça. Et toute la clique. Ah, voilà. Bon ben, okay. François, on t'embrasse bien fort. Je vous remercie, et puis j'embrasse aussi le docteur Roux. Voilà. Alors si tu fais un bon enculage, tu nous rappelles et tu nous expliques. Oui, je voulais expliquer pour... David a donné les très bons conseils aux États-Unis. Oui, oui. L'enculage, c'est exactement comme... En France, pareil. Comme l'enculé. Les enculés américains voilà. sont... Oui, pareil. Les personnes sont allongées. Et puis plus la personne enculée peut recevoir dans le cul, et après, vous pouvez faire les positions jambes en l'air, donc sur le dos, et prendre dans le trou, et ça te reprend là-dedans. Et là, vous avez fait ça, docteur Ruth hein? Alors, je vais vous expliquer. Bon, moi, j'ai déjà opéré le coït anal, mais c'était pour les patients. Pour la télévision. Pour faire plaisir le téléspectateur. Pour la télévision en direct, pour l'émission. Et je vais faire en France congrès enculage au Zénith. Et je vais faire enculer. Il y aura du monde, hein. Montrer enculé. Et je vais faire enculer par Gérard Depardieu. Oh, ah, ben, bah il fera spectacle. Oui, ben. Vous pouvez réserver place maintenant. Et Barbara pour l'enculer, non? Voilà. Eh ben, là, ouais. 43 57 69 70 43 57 69 70. Fudi n'est pas fort. Dis donc votre disque, on le voit partout hein, maintenant. Ah bah ça y est, oui. Avec, après toutes les demandes qu'il y a eu, on l'a fait mettre en place partout. Alors si vous voulez le trouver, où tu l'as vu à la FNAC, Virgin, Chandor, Chandisco, ouais. Et les gens se le battaient. Ah chérie, deux femmes en rute. En rute. Se crêpent le chignon car il n'y en a resté que quatre et elles en voulaient huit. Ah ouais, voilà. Ouais, moi j'ai vu une émeute, ouais, voilà. Après, on m'a dit que ce sont deux femmes mazotes. Des femmes se sont battues. Et après, j'ai suivi deux sourdes muettes. Ah bon. C'est ça qu'elles voulaient être en disque. Et ça coûte... Oui. C'était des centaines à commander les badges. Ouais. Les badges qui vont vous rendre, qui vont vous apporter, qui vont vous... Vous apportez le bonheur, c'est le bonheur. Alors, ces badges de reconnaissance, bien entendu, qu'aux initiés de Lune de Fiel... Un code. Eh bien... Codifié. Voilà. Ils sont à votre disposition depuis quelques jours. Et vous pouvez vous les mettre comme ça, sur votre petit sac à dos, sur une manche, sur un pantalon, sur votre poitrine. Voilà. Alors ça, c'est les badges Lune de Fiel. Et les trois badges font 50 francs. Il faut les envoyer par courrier. Alors, si vous êtes interdit bancaire, ou si vous n'avez pas encore de chéquier, parce qu'il y en a quand même des jeunes qui nous écoutent, eh bien, vous mettez un billet de 50 francs, c'est les billets bleus, avec marqué 5 et 0, et vous nous mettez ça dans l'enveloppe avec un petit mot, en n'oubliant pas de mettre votre adresse, parce qu'il y en a encore deux cette semaine, deux naves, qui ont encore oublié de mettre leur adresse. Alors, il y en a un qui a... signé Manu. Alors il a mis 50 francs, il s'appelle Manu, il a fait bisous partout et tout. Il a mis un billet de 50 francs, mais il n'a pas mis son adresse, alors on ne peut pas lui envoyer, alors qu'il nous appelle à la station ou qu'il nous réécrive pour nous donner son adresse. Voilà, alors je vous rappelle que pour avoir les trois badges, il faut absolument respecter les règles, c'est-à-dire que sur les trois badges que vous avez, il faut en offrir un à une fille. Et d'une. Deuxièmement, il faut aussi faire un petit signe de reconnaissance dès que vous voyez quelqu'un qui a le badge. Même si vous n'avez pas encore les badges, toujours un petit clin d'œil et tout ça à ceux qui ont les badges pour bien leur faire comprendre que vous écoutez comme eux la radio, que vous écoutez Lune de Fiel et que vous êtes des enculés. Voilà. Alors bien entendu, avec ces badges, vous faites partie d'un club, c'est le club des no-handives. Ceux qui comprennent, ceux qui sont pas caves, guenuches, banturnes, et qui comprennent tout de travers et qu'en trave que de chi. Alors, pour commander ces trois badges, je vous rappelle que c'est 50 francs par chèque ou avec un billet de 50 francs. Et vous envoyez ça Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Alors je vous dis qu'ils seront encore en vente 4 semaines. Dépêchez-vous pour les avoir, ils sont sublimes. Nous aurons dès la semaine prochaine, je pense, des personnes qui auront eu des petites aventures ou qui pourront nous expliquer de leur bouche, de leur propre bouche, comment ils ont vécu ça et si ça a vraiment leur a changé leur vie. Parce que je suis sûr qu'il y en a que ça va changer leur vie. Absolument. Ils vont se sentir beaucoup autre plus beaux. Autre chose à signaler. Attends, je termine ça. Donc, sur l'ordre d'échec, vous mettez David Girard. David Girard. Vous envoyez ça donc à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle. 75 018 Paris, et dès maintenant nous vous les renvoyons sous 24 heures maintenant puisque nous les avons, hein. Voilà. Allô. Bonjour. Quel est ton prénom? C'est Michael. Michael. Oui, Michael. J'ai 21 ans. 21 ans. Pourquoi vous rigolez? C'est toi qui répète, Michael. Ah ouais. Non mais j'entends quelqu'un rigoler derrière. Oh il rigole pour n'importe quoi. Ah ouais. C'est parce que c'est des fois on fait des conneries derrière le micro. Ouais. Alors des fois je sors ma bite et tout, je lève mon cul. Et tu la mets dans la bouche à Zaza de temps en temps? Ben non, parce qu'elle peut plus parler après. Au lieu de dire papa Sabour, elle dit Paris Strasbourg. Ah ouais. Ah bah c'est qu'elle doit être grosse alors. Énorme, on m'appelle le tigre. Ah ouais, t'es un peu prétentieux quand même. Non, je suis réaliste. Ah réaliste. Prétentieux, ce serait de dire on m'appelle un éléphant. Ah ouais, et Zaza elle est d'accord? Je lui demande pas son avis, hein. Ah ouais. Oui, on a foutu la gueule. Ah ouais, mais vous aimez ça quand même. Bah bon, il m'a assommé l'autre jour. Oui, alors j'étais... Bah pour le week-end, il était tranquille comme ça. Ils m'ont proposé l'argent, rien. Ils m'ont proposé chez Total de faire pompe à essence. Ah ouais, toi aussi. Ça, tu peux. Pourquoi t'en as une grosse aussi? Oh là là. C'est énorme. Oh voilà, raconte-moi ça. Ah, c'est rien de le dire. Hein. Mais ton prénom déjà, c'est quoi? Michael. Enfin, mon surnom, on m'appelle oui, Brackman. Oui, oui, oui, on a bien compris. Bon. Oui, alors, je disais que mon surnom, c'était Brackman. Brackman. Bon. J'ai reçu une lettre de toi alors. Non, c'est vrai? Ouais, j'ai reçu une lettre de Brackman. Ah bah ça doit pas être le même alors. Ah bon, il y en a deux. Ouais, disons que bon, disons que par rapport à la moyenne qui est annoncée dans votre émission, qui tourne autour de 18-20, ce que j'ai entendu, enfin moi ça serait plus raisonnable, hein. Moi c'est normal, c'est 15. Enfin, toi tu as 15 quand tu vois? Ouais, bon moi je suis pas prétentieux, je sais pas si les personnes qui vous appellent sont prétentieux. Mais bon, pour moi, c'est 15. Mais ce qui est très important, c'est le coup de rein, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce que si j'allais tu, dire. Si c'est, tu fais c'est bien ça. Le travail. Enfin, et bon, c'est tout là, c'est la pratique. Mais bon, enfin, pour moi, la longueur, ça fait rien. Ah bon? Bah pour toi, mais pas pour les autres. Et oui, non, mais bon... C'est quand tu bandes, 15? Oui, bah... Oh, c'est bien. Et tu nous donnes la moyenne nationale, non, c'est 14. C'est problématique, sinon. Attends, dis-moi, Catherine... Est-ce que les bites, tiens voilà, tu as entendu notre camarade, parce que je demande à Catherine, hein, est-ce que la grosseur de la bite, la longueur de la bite est importante? Il vaut mieux une petite courageuse qu'une grosse saignante. Voilà. Non, mais il y en a...